Attention, venez à tous que je vous distribue mes ordres pour tantôt. Et règle à chacun selon son emploi. Et approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon, voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Allez. Vous, brin d'avoine, et vous, la merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire. Mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois. Et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. Titrons-nous nos cycnilles, monsieur. Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et gardez bien de gâter vos habits. Et vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon haut de chose tout troué par derrière. Et qu'on me voit, référence parler. Paix ! Rangez cela adroitement du côté de la muraille. Et présentez toujours le devant au monde. Et vous ? Tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât. C'est assez bien aux filles. Mais, cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis ? Oui, mon père. Et vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père ? Mauvais visage ? Et par quelle raison ? Oh Dieu, nous savons le train des enfants dont les pères se remarient, et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière fredaine, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là, et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais, mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde, au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Vous ferez sagement. Valère, aide-moi à ceci. Ossa, maître Jacques, approchez-vous. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler, car je suis l'un et l'autre? C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable, toujours de l'argent. Il semble qu'il n'ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Oh, ils n'ont que ce mot à la bouche. De l'argent. Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet. De l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Et il n'y a si pauvre esprit qu'il en fit bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous, séant d'être le factotum. Taisez-vous ! Qu'est-ce qu'il nous faudra ? Voilà, monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Et je veux que tu me répondes ! Combien serez-vous de gens à table ? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, entrée... Que diable, voilà pour traiter toute une ville entière. Gros. Ah, traître, tu manges tout mon bien. Entremets... Encore. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis ? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu ? Qui est le grand homme qui a dit cela ? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en pot bien garnis de marrons. Reposez-vous sur moi. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous dites qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur. Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point. Et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeûnes si austères que ce ne sont plus rien que des idées, ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger ? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger d'eux-mêmes. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués, car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux qu'il me semble que c'est moi-même quand je les vois partir. Je m'ôte tous les jours pour eux les choses de la bouche. Et c'est être, monsieur, d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes ? Monsieur, j'obligerai le voisin, le Picard, à se charger de les conduire. Aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Soit. J'aime mieux qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Paix ! Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois que ce qu'il en fait, que ses contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous, car enfin, je me sens pour vous de la tendresse. En dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi ? Oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâcha point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrais en colère. Mais point du tout. Au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre comment on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les quatre temps et les vigiles afin de profiter des jeûnes où vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois, vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, que l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Vous êtes un sot, un marron, un coquin et un impudent. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler.